de quoi t'apporte, chaleureuse servante, que déjà je tutoie. Que caches-tu de la sorte, pousse-toi vite que j'entre, mais toi tu n'es pas là. Un grand feu de cheminée, un fauteuil, un cendrier et un verre de vodka viennent de se réveiller, je rougis angoissé. Je recule d'un pas et je passe à bicyclette deux fois par jour devant chez toi. Un de ces quatre, je m'arrête et pour toujours j'aurai fait le premier pas. Les présentations faites, je me vautre docile dans ce moelleux le sofa. Je profite de la fête pour oublier facile que toi tu n'es pas là. Il me plaît bien ce salon grandiose, même comme les enfants que j'aurais eu de toi. Je vois deux chambres dans le fond, une pour la petite, l'autre pour le grand. Celle à l'étage a une place pour moi. Par jour devant chez toi, un de ces quatre, je m'arrête et pour toujours dormirai dans tes bras. Dans les champs et près des bouquets pour toi. Je penserai tous les matins à notre bonheur où je sens, mais toi tu n'es pas là. Je referme derrière moi mon cœur, mon avenir, mais peut-être qu'un jour je reviendrai, tu seras là et je pourrai enfin te dire je t'aime, mon amour. Je passe à bicyclette deux fois par jour devant chez toi. Un de ces quatre, je m'arrête et pour toujours je n'aimerai que toi. Mais je passe aux oubliettes deux fois par jour devant chez toi. Mais je passe aux oubliettes fois par jour devant chez toi. Je passe aux oubliettes deux fois par jour devant chez toi. Aux oubliettes, aux oubliettes, deux fois par jour devant chez toi. Et je passe aux oubliettes deux fois par jour devant chez toi.